2. Catherine vint lui annoncer qu'une dame était là, une amie de Madame de Berville, et qui attendait au salon. « Tu lui as dit que j'étais là ? Mademoiselle ne pouvait pas ne pas être là un pareil jour. Pourquoi ?» Et la vieille Catherine, quand on discutait l'évidence, demeurait abasourdie. Elle répondit cependant, « Mademoiselle se souvient qu'après la cérémonie de M. Antoine, Madame Romain a reçu tout l'après-midi. « Eh bien, j'y vais, » dit Anatolie, excédée. Et qui l'eût observé alors eût compris tout le secret de cette âme, indocile aux coutumes. Elle aurait inauguré la vie à chaque instant, la prudente, et vivait dans une société dont le chef-d'œuvre était un long usage, endormeur de la vie, tutélaire contre ses atteintes, baume contre ses blessures. L'existence provinciale est un système infiniment subtil d'anesthésie. Un jeune être pourvu de toute son ardeur le refuse. La vieille dame qui venait, après les funérailles, faire sa visite, obéissait au rite consacré. Les paroles qu'elle apportait ne seraient pas la consolation, ni sa présence une aubaine extraordinaire. Mais il viendrait aussi d'autres dames, afin de parler de la morte, et afin d'être là. De telle manière passaient en bavardage, dédié à la morte, en bavardage tout de même, les heures de la première solitude. Et c'était un stratagème de diversion, pieux, ingénieux. On ne savait pas que ce fût un stratagème. On suivait une habitude ancienne, et dont les origines, comme la raison d'être, se perdaient dans la nuit des temps, mais dont l'efficacité durait. La vieille dame disait à Anatolie, « Vous restez bien seule, ma pauvre enfant. Par bonheur, vous avez vos tantes, qui sont des personnes si bonnes. » Une autre vieille dame lui disait, « C'est un grand allégement pour vous de savoir qu'elle s'est éteinte sans agonie, comme une lampe qui n'a plus d'huile. » Une autre vieille dame reprenait, « Et que pourtant elle a reçu notre Seigneur. » « Oui, » répondait Anatolie. Et tout cela, elle le savait. Elle ne savait pas que sa tante Henriette fût bonne. Le reste, oui. Elle consentait assez bien à tout le reste. Seulement, elle connaissait assez peu chacune de ces vieilles dames, et il lui semblait que leur souci de lui adoucir son chagrin fut d'abord indiscret. Puis, elles n'étaient pas toutes également fines. Plusieurs n'évitèrent pas de lancer quelques niaiseries un peu désagréables, sans malice. Une ou deux avec malice, probablement. Une autre, et qu'Anatolie croyait la plus bête, révéla au contraire l'âme la plus délicate et la plus touchante, l'art de dire ce qu'on attend, mais de le dire plus joliment, et ainsi de vous montrer votre sentiment plus parfait que vous ne l'espériez. Elle savait s'attendrir avec mesure. Elle prenait sa part de votre peine, et elle ne prenait pas tout. Elle vous laissait ce qui n'était pas à elle. Compatissante, elle n'affectait point de pâtir toute seule. Au sujet de la mort, elle n'affichait pas le spiritualisme inclément, qui vous nie, sous peine d'hétérodoxie, votre douleur. Et avec peu de mots, sans prétendre à vous guérir, elle vous soignait. C'était une vieille dame, toute vêtue de noir, et en deuil de qui ? On l'avait toujours connue en deuil, comme si elle portait le deuil de tout le monde. En cas de bonheur, chez les gens qu'elle allait voir, elle paraissait déconcertée. Elle partait bientôt. Il fallait une mort. Alors ce qu'il y avait en elle de gracieuse intelligence et d'amitié se répandait sans profusion, sans timidité et avec aisance. De même que les plantes, les êtres ont leur atmosphère favorable, et cette vieille dame avait son atmosphère dans le chagrin. Après tant de visites, Anatolie reçut la tante Pauline, et qui ne tarda guère à lui demander « Que vas-tu devenir, ma bonne petite ?» Anatolie essaya de ne pas répondre. La tante Pauline continua « Si seule, tu n'as même pas une amie. » « Ça, dit Anatolie presque gaiement, c'est vrai. » « C'est triste, répartit la tante. Les dames qui sont venues te voir sont des amies de ta grand-mère. » Non des amis à toi. Écoute, ma bonne petite, voici ce que je puis t'offrir, et de grand cœur. Anatolie frémit. Demeure avec nous. Anatolie eut éclaté de rire, tant cette proposition, faite avec bonté, concordait peu et ne concordait pas du tout avec son désir, avec sa volonté, si nette maintenant, si bien triomphante en elle. Non, dit-elle. Et elle cherchait son excuse. La tante Pauline reprit. Oh, je sais bien que ce n'est pas très engageant. La maison, depuis la mort de mon pauvre Antoine, n'est pas gaie. Anatolie ne voyait pas que le pauvre Antoine eût mis jamais de la gaieté nulle part. Mais que répondre ? La tante Pauline, assez gentiment, et comme si elle avait à se disculper, multipliait les précautions. « Tu aurais tes cousins, tu aurais moi, et que veux-tu ? Un jour tu te marieras. Tu as refusé deux parties des plus honorables. Oh, ce n'est pas un reproche, non. Et puisque ton cœur n'avait pas parlé, mais il parlera. Et alors tu t'en iras à ta destinée, que je souhaite heureuse. En attendant notre affection... » La tante ne termina pas sa phrase. Elle pleura un peu. Anatolie, émue, se leva pour l'embrasser. La tante n'en pleura que mieux, puis elle dit « C'est convenu ? Non, tante Pauline, c'est impossible. » et il fallut dire pourquoi. « Je vais vous le dire, tante Pauline, seulement c'est un secret, et vous me jurez de le garder ?» Au seul mot de Paris, la tante Pauline eut la gorge serrée. « Enfin, pourquoi, pourquoi ?» Et ses bras courts faisaient leur plus grand geste d'incompréhension. « Je vais vous le dire, tante Pauline, et je vous en conjure, ne soyez pas offensée de ce que vous allez entendre. Il n'y a pas dans mon esprit l'ombre d'une rancune à votre égard, ni même à l'égard de personne, excepté, vous m'avez comprise. Mais il ne s'agit pas de rancune. Il s'agit d'une seule petite chose, et la voici. Je m'en vais. Oui, oui, je m'en vais. Parce qu'ici, ma tante, je m'ennuie. Tu t'ennuies. Énormément. À un point tel qu'on ne peut pas s'ennuyer davantage, et que moi, je ne peux plus m'ennuyer autant. Mais moi... » Et la tante Pauline se tut avec embarras. Plutôt que de répliquer, ainsi qu'elle le disait confusément. « Moi aussi je m'ennuie, mais une femme s'ennuie, et c'est l'usage. » Anatolie l'aida. « Oui, vous, seulement, il faut croire que ce n'est pas la même chose. Vous vous ennuyez avec patience, pas moi. » Et la tante Pauline allait lui dire que la patience... « Non, non, tante Pauline, vous voyez bien que si j'avais pour la patience une aptitude, même petite, je l'aurais développée. Ce n'est pas l'exercice qui m'a manqué, n'est-ce pas? Vous avez plus de vertu que moi. » « Oh, n'y mettez pas de modestie. Il y a des jours où je vous aime et connu. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes là, toutes les deux, à causer comme je crois bien que ça ne nous était pas arrivé encore. Je vous aime plus que je ne vous aimais. Et je vous aime bien. Ne pleurez pas, ce n'est pas triste. Mais je n'ai pas votre vertu, votre patience, et votre don de vivre dans l'ennui avec naturel. Ce n'est pas un don, gémit la tante Pauline, avec une sincère ignorance de son mérite. Mais à Paris, que feras-tu ? Elle allait dire « pour t'amuser » et n'osa pas. « Je n'en sais rien. Si je m'ennuie, j'aurais changé d'ennui. C'est toujours ça. Et puis je ne dis pas du tout que j'ai raison d'aller à Paris. Peut-être ai-je tort, mais au cas bon n'avoir pas tort. Et puis peut-être que si j'avais eu ma mère et mon père, les êtres de qui je viens, et qui, m'ayant mise au monde à leur image, savaient mieux ce qu'il me fallait, peut-être ma vie se serait-elle arrangée ici. Je n'en sais rien. Et puis mon père est parti pour l'Afrique et pour l'aventure. » « Je tiens de lui, probablement. Ton père est parti, oui, après la mort de ta mère. C'est ça. Et moi, après la mort de ma grand-mère. Et il m'avait aussi, les deux Berville ne bougent pas. Si les Darbennes sont des folles, eh bien, je suis une Darbenne. Entendez-moi bien, tante Pauline, je ne dis pas qu'il faut partir. Mais les Darbennes s'en vont. Si c'est absurde, en tout cas, je m'en vais. » La tante Pauline hasarda, mais avec peu de confiance. « Si tu avais voulu t'occuper avec moi de mes œuvres... » « Non, tante Pauline, ça non, je ne suis pas assez bonne. Tu es pieuse, et Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. » Anatolie eut sur le bord des lèvres. « Laissez-vous tranquilles les uns les autres. » Mais elle en rougit. Il suffisait que fussent ainsi reprochées les deux formules de la liberté et de la charité pour qu'elle ressentît de leur contraste un malaise, un effarement de sa conscience catholique, une douleur de l'âme. Et sa fougue tomba. Il eut un peu de silence où la tante Pauline aurait pris l'offensive opportunément. Mais elle contemplait un désastre. Elle dit « Qui as-tu à Paris ? Personne ? Si, les Darbennes Massenot ? Je crois que oui. Mais ils ne m'ont pas donné de signe de vie depuis très longtemps. Je n'irai pas les voir. » La tante Pauline chercha dans les relations de la famille. Elle cita des noms. Aucun de ces noms n'agréait à l'émanciper. « Enfin, ma bonne fille, c'est effrayant. Tu es une jeune fille, tu as 20 ans. 21 dans un mois. 21, une jeune fille, voyons. Je ne peux pas te laisser partir ainsi. » « Je n'en ai pas le droit. Je ne peux pas t'empêcher de partir. Et si je te supplie de ne pas le faire, tu le feras pourtant. Je t'accompagne, si, si, ce n'est pas impossible. Mes fils sont raisonnables. Grâce à Dieu, je le puis, je t'accompagne. » Pour détourner d'un si terrible projet la tante Pauline, il fallut beaucoup d'énergie, un peu de rudesse. Et pour la consoler ensuite, une tendresse habile. Et comme il l'est dans la tendresse d'habileté que celle du cœur, une tendresse véritable.